suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. On m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais dans mon cœur j'ai toujours gardé les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es partie loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en je l'ai raconté, mais dans mon cœur j'ai toujours gardé les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, mais d'une Normandie, une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie et le bon cidre.